9-22. Observation. Quelqu'un, une personne, des personnes. Singulier. Il y a quelqu'un. Il y a une personne. Pluriel. Il y a deux personnes. Il y a 30 personnes.